Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de football. La semaine dernière, c'était l'ouverture locale des Faucons des Portes Nord de Chibougamau et on va parler avec l'instructeur-chef Serge Bouchard. Salut Serge! Salut Denis. Serge, ça a été une belle victoire la semaine passée lors de l'ouverture de la saison locale. Oui, une belle victoire, ça faisait du bien après la dure défaite qu'on avait subie la semaine avant là, aux mains des cyclones de Charles Gravel. Ça faisait du bien là, de pouvoir sortir avec la victoire et redonner confiance un peu à nos joueurs. OK, une victoire de 39-0 contre Charles Gravel, donc c'était une domination complète, là. C'est incroyable. Oui, non, mais ben, ça, on a perdu la semaine. Oui, excuse-moi, oui. Là, on a gagné 41-12. Oui, 41-12, oui, c'est vrai. On a quand même eu un lent début. Là, c'est eux qui ont marqué le premier toucher, donc ils ont pris les devants 6-0. Par la suite, on a replacé les choses un peu. Et là, ben, par la suite, là, tout au long du match, là, on avait vraiment pris contrôle là, de la rencontre. Donc, oui, c'était positif. Mais en début de match, les joueurs jouaient nerveusement suite à leur dure défaite là, de la semaine d'avant, et là, j'ai demandé un temps mort, on a parlé, et les choses se sont remplacées tranquillement, pas vite. OK. Donc là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a un petit congé de période d'une semaine, c'est ça? Oui, ben pour nous, en fin de semaine, c'est congé. Charles Gravel, les gens ont compté. Nous, on est en congé puisque la Ligue, cette année, a seulement 3 équipes. Donc, on a toujours une fin de semaine de libre, là, aux 2 semaines environ. 3 semaines, c'est-à-dire. Donc, et là, ben nous, c'est ça. Le 15 octobre, on va recevoir Charles Gravel ici. Ensuite, le 22 octobre, on va aller à Jonquière pour après ça, ensuite, là, attendre, là, voir si au niveau de la finale qui devrait se tenir dans la fin de semaine du 3, 4, 5 novembre. OK, OK. Question. Est-ce que, bon, des 3 équipes, est-ce qu'on travaille déjà pour avoir d'autres équipes l'an prochain pour remonter ça? Ouais. On est tous pas mal occupés par nos saisons là, respectives cet automne, mais il est certain qu'on aimerait bien avoir une ligue minimalement à 4 équipes. Ben oui. Moi, j'ai toujours pensé que à la commission scolaire Pays des Bleuets, là, donc Dolbeau et Saint-Félicien, pour moi, ce sont des écoles où il devrait avoir du football là, juvénile régional. Je ne l'ai jamais été. J'espère que ça va se faire l'an prochain, mais c'est eux qui vont décider là, de vers où ils veulent amener leur programme. Après ça, ben on aimerait, c'est sûr que là, présentement à Jonquière, ils sont composés de 3 équipes, 3 écoles à la équipe. Puis à un moment donné, on en viendrait à 2 équipes à Jonquière, ce serait intéressant aussi. Donc je pense que ça va être un lent développement. Il faut y aller prudemment, justement, pour pas. Mais idéalement, ce serait bien qu'il y ait. Moi, je pense qu'il pourrait avoir 5 équipes l'an prochain dans la Ligue. Mais ça, c'est ma vision personnelle des choses. OK. Hey, Serge, c'est-tu dur de garder la motivation soir après semaine après semaine quand t'as 3 équipes? C'est plus dur un peu, hein? Oui, c'est plus dur, c'est certain. Oui, c'est plus dur, c'est certain. Mais comparativement à l'automne passé où ils n'ont eu aucun match, là, les jeunes se disent que ils en ont quelques-uns cet automne, puis on essaie d'agrémenter ça aussi. Là, le 22 octobre, lorsqu'on va aller jouer à Jonquière, le soir d'avant, on va aller voir un match collégial à Alma, donc Alma contre Chicoutimi. Donc de leur donner des petits défis comme ça dans la saison, des petites récompenses qui font en sorte que leur saison de football se passe quand même bien. Est-ce que c'est. Donc, j'imagine que dans ce temps-là, il y a des joueurs qui se font croiser par les équipes collégiales? Là, nous, on va voir un match, mais de toute façon, à chaque année, les équipes collégiales, les trois équipes de la région sont toujours les bienvenus. Ils font toujours du recrutement, ils viennent rencontrer les joueurs. Ouais. Puis même lorsqu'on va au Jamboree à Québec, là, à chaque printemps, il y a toujours des équipes collégiales de la région de Québec qui viennent voir à l'occasion. Certains de nos joueurs qui sont recrutés aussi. Donc, c'est sûr que maintenant, il y a de plus en plus d'équipes collégiales au Québec. Il y a de moins en moins d'équipes juvéniles. Donc, ils sont très agressifs sur le recrutement. Effectivement. Serge, on se reparle dans 2 semaines, étant donné qu'il n'y a pas de match en fin de semaine. Parfait. L'instructeur-chef des Faucons des Portes du Nord, Serge Bouchard.